De la crème glacée pour tout. Albert fait de la crème glacée. Il regarde sa machine. Il y a trop de crème glacée, dit-il. Je vais faire une fête. Albert fait une affiche. Il la met devant sa crèmerie. Les enfants viennent à la crèmerie d'Albert. Les chats viennent aussi. Pas de chat, dit Albert. La crème glacée est pour les enfants. Les enfants mangent leur gros cornet de crème glacée. Les chats restent à la porte. Ils se lèchent les babines. Miaou, miaou, miaou. La machine à crème glacée fait du bruit. Brrr, couic, couic, brrr, boum. La crème glacée coule sur le plancher. Il y a de la crème glacée partout. Allez, décrit Albert. J'ai de la crème glacée dans mes chaussures. Les chats miaulent à la porte. Miaou, miaou, miaou. Albert ouvre la porte. Entrez les chats, dit-il. Cette crème glacée est pour vous.